un jour le progrès viendra libérer l'homme de toutes les tâches ingrates, etc. Le progrès, il est arrivé pour les virer, les hommes. Aujourd'hui, on peut jeter du blé sur cette table, et avec les techniques qu'on possède, on fait pousser le blé. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays alors qu'on jette du manger, et je vais laisser ce monde-là à mes petits-enfants, oui, j'ai honte. Dans un monde où on sait faire qu'il y a encore des gens qui aient faim, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est, quand je leur ai parlé de cette espèce de spirale infernale du progrès qui n'étant pas partagé, nous amenait obligatoirement à débaucher malgré tous les termes et nouveaux termes de vocabulaire qu'ils emploient pour ne jamais dire qu'ils débauchent, m'ont dit également à la fin, dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me dis, mais c'est ton boulot, pas le mien. C'est lui qui se prétend économiste, c'est lui qui prétend diriger la cité. Moi, je n'ai jamais demandé les suffrages de mes concitoyens. Il y a des gens qui prétendent pouvoir diriger la cité, alors qu'ils le fassent. On dit que vous êtes un révolté. Mais merde, il y a de quoi être révolté, non ? Des gens ont faim dans un pays, dans un monde même où on sait tout faire. On réunit la plus formidable armada du monde en quelques semaines pour la guerre du Golfe. 8 jours après, il y a une épidémie de choléra qui commence au Pérou. On n'arrive pas à trouver un B-52, le remplir de vaccins pour arrêter cette épidémie. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Ouais, l'esprit tranquille, qui a la chance de l'avoir ? Celui qui taffe pour le crime ou celui qui a le smoking dans l'armoire ? Je vois que la plupart s'en fichent, les frères se killent, je veux pas le croire. L'écart ne cesse de s'agrandir, l'état de s'en affranchir n'a pas le droit. Facile de finir en passoire, la paix y'en aura pas soir. Je pense qu'année de boucousage, je compte pas me rasseoir. Même si tu trouves mes phrases rasoires, la vie c'est putain de test probatoire. Coups contre ceux de laboratoire, j'ai pas le thème oratoire. De toute façon, je vise pas le sommet, on fait peut-être de la peine à voir. C'est pour ceux qui veulent pas soumettre. Je planque moi cas sous le verbe, j'ai pas de réserve sous le matelas. C'est pas des détails que je soulève. Je te dis qu'être dans le flou tracasse toutes les dépouilles qu'ils ramassent. Je voudrais que le mal s'apaise. Génocide, victime civile, crois pas que c'est de la maladresse. C'est juste qu'ils veulent pas l'admettre. Chacun son heure de gloire, une chance de toucher l'adversaire. Je suis pas certain qu'on meurt deux fois. C'est mon fan guise de porte-voix. Pas sûr que la plupart adhèrent. Je veux décrocher le voile et remettre ce temps au plus bactère. Je suis pas leur subalterne. Eux le croient, mais personne n'est parfait, c'est chacun ses principes, chacun ses lois, dès qu'il y a de la thune à se faire, chacun sa foi, chacun chez soi, ce qui fait que j'ai soi amère, chacun ses choix, tous nos espoirs s'échouent, j'ai le blues à terme. Ne vois-tu pas que les mans t'échouent, on est tous dans la merde, remballe tes choux, car les gars de chez nous n'ont plus que le temps à perdre. Oui, je suis écœuré, oui, je suis révolté. T'es pas mis sous, j'ai un positif, est-ce qu'il y a des choses positives ? L'homme tue l'homme pour des rangs. Ceux qui siègent en haut savent à quoi je fais allusion. Ça chiffre au milliard pour soi, pas tout de vôtre. La conscience, c'est comme les tâches, ça s'essuie. Je m'en sors ou je me dis que c'est le système qui est trop fort. Quand tu marches comme ils l'entendent, tu ne fais pas le feu. Les cellules ont une clé, mais juste permis de la fermer. Les clés d'un coffre fort, mais les clés de la vérité. Mais ce qui est positif, c'est le progrès. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'il est mal partagé. Mais ce B-52 qui était fabriqué pour lancer des bombes, si on y avait mis des vaccins, hein, en quelques heures, il est au Pérou, on arrête l'épidémie alors que l'épidémie continue toujours. Mais évidemment, ils n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins. Alors, on préfère jeter plutôt que de casser le marché, comme ils disent. Ils, mais qui sont-ils ? Ils, ouais. Ils se sont tellement mis au bord du trou, maintenant ce sont des structures. J'imagine que vous aimez dialoguer avec ces gens-là, vous voulez faire avancer. C'est pas être révolté pour être mais révolté, mais à partir du moment où ils ne veulent pas toucher aux structures, ouais. Au sacré saint vaudou du pognon, parce que tout le problème, il est là. Il y a une équation qui disait le temps c'est de l'argent. Mais on a toujours privilégié l'argent par rapport au temps. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie pour un être humain ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie ? L'oseille c'est plus important. J'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Alors je dis, vous me demandez ce que je pense de ce monde. C'est un monde de merde. Voilà, on pourrait tout faire, on a tout, absolument tout, et des gens ont faim, je trouve ça absolument insupportable.